GTA, t'as pas le mental mon gros. Pour garder ma place, gros, j'ai mis 2 E dans le parc, mais j'aurais pu pécho une bouteille ou des filets dans une barquette. Grave trop longtemps, je cours les pervenches, je vais m'aligner. Je trouve le temps court comme les tatouages à l'aîné. Stationne depuis des piges à piges, moi derrière l'antiporte. Y'a du rap commercial, je fais partie de notre hip hop. Notre époque, frère, j'étais accro dans les parkings sous haute surveillance, car pratique le micro jacking. Je conserve mon rang social franc, j'ai sur des vies proches. Je garde la pêche, la classe et ce même sur des vieilles proches. Topic Baltazar, zar sans scrupule, plus le jeta. Je suis bien, c'est faux, gros, le succès sur GG Sectable. Donc oh, on parle oh, ouais de la corruption. Je fume les keufs comme une carrette si haut, je me suis gouré de son. Rap devient précieux, donc je surveille comme un maître chien. J'arrache la muselière, langue de Molière, ouais on est trop chaud. Petite verteur sauf fragile, je m'impose comme un vigile. Micro dans ton vagin et on verra si tu restes vigile. Mon troupeau gros comme berger avec sa neuka. Le camp berger appelle 0610 sur mon Nokia. Fique pas ça c'est le loup, j'étais assez l'élite. Le studio ouais c'est chelou, je le souhaite comme la cellulite. Chacun s'entend un jour, numéro 1 sera ma seule. En attendant je taffe gros car le talent ne se ramasse pas. Un nouveau classique. J'ai l'inspi numéro 12, c'est le talent qui joue ailier. Je vais droit au but, cher des bijoux, j'ai braqué un joaillier. Bande de BD, moi dans le rap, joue des deux pieds, merci à Metz, sur qui je m'appuie souvent comme un calpier. Le rap c'est mon taf, et les sons mes fiches de paye. Moi je suis Al, à ma place, reste calme s'il te plaît. Ok gros, moi j'ai envie de rire comme un ouf le frais. C'est plutôt mauvais comme bien, toutes les lettres que j'ouvrais. C'est ma vie qui parle, feuille un pic dans l'équipage. À ma place gros, aux commandes de mon équipe A. Une carrière en chantier, j'ai monté ma propre outil. Mon génie gros, se trouve dans la caisse. Ça outille la technique d'Algérie que j'ai fait dédouaner. Et sans être juste talent, j'ai même trompé leur Edouard. J'y mets le cœur, j'ai les doigts et le bras long. Je crois pas à mon étoile, elle est trop courte, ma rallonge. Ça casse les couilles, le rap fait des sucettes dans les J9, taille des pipes à la régie. Se prostitue dans les régies, à l'effigie la vigile, il laisse entrer que les VI. Si le rap était religion, j'en ferais le JH. Garde à pêche, profite, car personne est en sûreté. Avant que mon talent ne finisse que sur un pied. Comme l'oiseau mouche, reste à ma place en battant de l'aile. Je rappe pour la famille, telle est plus l'époque de mes dents de lait. Faut que je me place avec place avant de me faire replanter. Je ne sais où la France a trouvé son sauveur. C'est vrai qu'il est plus tout jeune Zizou. On récolte que du vent, on a dû laisser passer Katrina. Je veux une place, un territoire, j'ai bon qu'à pisser contre un arbre. Je suis le genre qui traîne, le dream vient me prouver le contraire. La vie je m'applique contre elle, je perds le contrôle comme à bord d'une 4L. J'ai pas encore de rythme mais je rôde sur la corde raide. Le rap c'est la guerre. Pour percer faudrait la corde du raid en cours de rêve. Car mon avenir est prémonitoire. En regardant le ciel j'ai vu que le mal avait pris mon étoile. La rage se promène en toi. C'est ce qu'on m'a dit à tout bout de champ. Mais sans la classe tu perds du gras, tu vois que même les teubés de chambre alors. Vu qu'on a rien, dès qu'on bosse un son tétois. Ça tient des fris de Savigny, le temple, les boussis Saint Antoine. Eh, hey, j'ai pas la classe mais la rage d'un chèque à bois. J'ai du pain sur la planche, ça devient haut, je veux faire des chèques en bois. Bro, on est tous issus d'une commune bâtard et pauvre. Celui qui dit le contraire, je ramollis comme une bite au repos. Bête on répond, encore pour rien, j'ai le peur à tête qu'on pourrait. C'est dur d'incorporer, c'est des corps pourris, les problèmes corporels. C'est le but de vie, je cours pour elle, mais très rarement en me protégeant. Je suis à peu près tigeant, je me prête au champ, mais le mal le court après tes gens. Apprends que tu changes, change à la classe et ton nom sur compile. Pas besoin de fan ni de cam pour recharger, je sors qu'une pile. Un nouveau classique. Nouvelle en deux, on avance.